Par-delà les cauchemars, au-dessus de nos rêves, nos esprits sont brûlés comme la terre de nos ancêtres sous un soleil de juin. Et puis un beau jour, le réveil nous accable, lorsque l'on s'aperçoit que durant toute une vie, il ne s'est rien passé. Ça va vite, ça va très vite. Entre le bureau, l'usine et les congés payés, des plages surpeuplées aux rivages pollués, nos campagnes regorgent de poubelles délaissées. Jusque sur les montagnes où la neige se fait rare. Et c'est pourquoi nous remercions le petit violon de Monsieur Grégoire. Diabolique, que nul ne pourrait boire sans chercher, sans espoir. Tu existes pourtant comme le vent sur la plaine, comme la mer qui déchaîne son ventre de bleu teinté. Et j'attends de toi des secrets, des images pour satisfaire enfin ma quête enragée. De sang dans ce pôle au gré d'une.